Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et en deuxième partie d'émission, nous allons aborder le thème des changements climatiques. Campagne électorale oblige, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les experts du GIEC sont en train de se réunir présentement au Japon. Et pour nous en parler, on a Bérangère Capdequis. Bonjour Bérangère. Bonjour François. Alors oui, c'est ça. Donc les experts du GIEC, on les connaît, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et donc ils sont en ce moment même réunis au Japon à Yokohama, près de Tokyo. Alors ils travaillent sur un rapport sur l'état climatique de la planète et ses conséquences. Ok. Alors mais si je me souviens bien, ils se sont déjà réunis cet automne. Oui, exactement. En fait, ils se réunissent une deuxième fois et d'ailleurs il y aura même une troisième et dernière ce printemps. Alors la première édition en septembre dernier à Stockholm voulait faire le bilan et connaître en quelque sorte l'état de la situation du dérèglement climatique. La question était donc, où en sont les connaissances d'un point de vue scientifique sur les changements climatiques? Est-ce que tu peux rappeler leurs conclusions? Oui, bien sûr. Alors, on va essayer de faire bref. Les chercheurs considèrent que l'être humain est bel et bien responsable de l'augmentation de la température terrestre à cause de l'accumulation de gaz à effet de serre. Et ça, ils en sont sûrs à 95%. L'homme est responsable. Alors, on apprenait aussi que depuis 1880, la température a augmenté de 0,85 degrés Celsius et que les dernières décennies étaient probablement les plus chaudes depuis au moins 1400 ans. Alors, comme on l'avait expliqué dans une précédente chronique, deux scénarios ont été élaborés. Un plus optimiste, on va dire, et un plus sombre. Si on réunit les deux, l'augmentation des températures oscille entre 0,3 degrés et 4,8 degrés Celsius pour la période 2081-2100, et ça par rapport à la période 1986-2005. Alors par exemple, dans le cas du scénario le plus sombre, les experts n'excluent pas que la banquise arctique de l'été disparaisse totalement au milieu de notre siècle. Alors, autre élément, l'élévation du niveau de la mer. Il pourrait donc augmenter d'environ 26 cm, soit 10 pouces, et jusqu'à 82 cm, 22 pouces. Le scénario le plus noir prévoit d'ailleurs 98 cm d'augmentation de la mer, presque un mètre, c'est vraiment énorme. Alors, on retient aussi que les écarts vont s'amplifier. En clair, les régions pluvieuses vont recevoir plus de pluie et les régions sèches vont en avoir moins. En fait, une situation que l'on connaissait déjà plus ou moins, mais qui a été, on va dire, validée et renforcée d'un point de vue scientifique pour influer sur les futures négociations internationales. Et donc, la réunion actuelle va porter sur quoi? Quel est l'objectif de la réunion? Alors, ce deuxième volet porte sur les conséquences concrètes et par région du réchauffement climatique. Ils vont publier leur rapport la semaine prochaine, le lundi 31 mars. Alors, pour vous en dire un peu plus, on va donc parler d'une aggravation des événements météorologiques extrêmes, du déclin de la survie des espèces animales et végétales, du rendement agricole qui sera modifié, de l'évolution des maladies, du déplacement des populations. En fait, pas mal de problématiques sont en grande importance, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Non, sérieusement, ce rapport est d'un intérêt capital et mérite vraiment qu'on s'y penche un peu. D'après les scientifiques, je cite, les conséquences à venir du changement climatique sont de nature à déstabiliser une grande partie des équilibres actuels. Donc tout va y passer, mais est-ce qu'il faudra attendre le 31 mars pour en savoir plus sur ce compte rendu? Non, justement, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Okay. Alors, il y a eu, quelques fuites et la presse a pu récupérer quelques éléments du rapport. Alors, comme beaucoup, on va faire un peu les curieux. En fait, ces fuites sont quand même largement valables puisqu'une version non définitive du rapport a été produite. Il faut qu'elle soit en fait validée par les 195 pays, les pays donc reconnus par l'Organisation des Nations Unies. Et donc, pour ce deuxième tome, ce sont 300 chercheurs qui ont planché sur le sujet. Ils ont compilé des milliers d'études. Ils ont soumis, donc, comme d'habitude, leur production aux commentaires de la communauté scientifique. Et puis, ils ont proposé un document synthétique aux responsables politiques. C'est donc la version qui doit être validée cette semaine avant d'être transmise aux dirigeants pour qu'ils puissent ensuite prendre des décisions. Alors, on a envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont conclu? Alors, il y a plusieurs problématiques qui sont vraiment majeures. Premièrement, l'eau. Pour chaque degré Celsius supplémentaire, la disponibilité des ressources en eau potable se trouverait diminuée de 20% pour 7% de la population mondiale. Donc, moins 20% pour 7% de la planète. On parle quand même de 7 milliards de personnes. Donc, forcément, 7% c'est énorme. Ça représente 490 millions de personnes. Donc, ça va avoir un impact énorme, non négligeable. C'est ça. Et autre point aussi, au niveau de l'eau, les risques d'inondation seraient sensiblement fortement augmentée par les émissions de gaz à effet de serre. Et les régions, en fait, qui seraient les plus touchées, ce serait probablement l'Asie et l'Europe. Ah bon? Ok. Justement, Jean Jouzel, qui est climatologue et vice-président du GIEC, a signalé dans la presse, nous sommes aujourd'hui sur une trajectoire de plus 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Et dans ce scénario, le niveau de la mer pourrait s'élever de près de 1 mètre d'ici 2100. C'est ce qu'on disait justement tout à l'heure. Alors, il explique aussi que ça ne sera pas uniforme sur la planète, tout comme la hausse des températures. Celle-ci, donc, ça sera plus fort sur les continents que dans les océans. Et puis, autre point essentiel, l'agriculture et donc la nourriture. La production de céréales, blé, riz, maïs pourrait baisser de 2% par décennie. 2%, ça peut paraître assez faible, mais en fait, d'ici 2050, la demande va augmenter de 14%. Ben oui, parce que la population croît aussi. Exactement. Mmh. Donc là, va y avoir un sérieux problème. Et puis, on peut lire dans cette version préliminaire que, je cite, « La pauvreté, la migration et la faim qui résultent des catastrophes naturelles sont des facteurs de conflit, car ils attisent évidemment la concurrence sur fond de diminution de ressources. » C'est vraiment un triste constat. Et le rapport est d'ailleurs intitulé « Résumé aux décideurs ». Il a donc pour objectif d'aider la communauté internationale à prendre des décisions à partir de cette étude. Et est-ce qu'on a une idée de quand ces décisions vont être prises? Alors, ce rapport, il sera d'une part utilisé lors de la conférence des Nations Unies de 2015 qui se déroulera à Paris. L'objectif, en fait, c'est de trouver un accord mondial et contraignant pour contenir le réchauffement de 2 degrés Celsius à l'horizon 2100. Pourquoi 2 degrés? Eh bien, parce que c'est le maximum au-delà duquel les scientifiques prévoient des conséquences dramatiques inévitables. Okay. Et d'ailleurs, atteindre ce résultat s'annonce en fait un petit peu difficile, puisque les émissions de gaz à effet de serre, qui sont donc pour les trois quarts dues aux énergies fossiles, eh bien, elles continuent d'augmenter, alors qu'il faudrait qu'elles amorcent une baisse pour espérer ne pas dépasser ce fameux 2 degrés. Mm-hmm. Puis j'ai pas l'impression qu'elles vont baisser non plus, là. Non, c'est notamment, pas parti pour. C'est ça, avec ce qu'on prévoit au Québec, entre autres, là. Exactement. Alors, depuis, en fait, le 11 février dernier, les deux présidents, François Hollande et Barack Obama, ont signé une tribune commune qui a été publiée dans le Washington Post et Le Monde. Ils y affirmaient leur objectif d'atteindre, je cite, une croissance forte, durable et équilibrée. Et puis, ils appellent à un accord international de lutte contre le changement climatique en réduisant les gaz à effet de serre. Bon, jusque-là, rien de neuf. Alors, justement, la conférence de Paris, qui se tiendra en décembre 2015, sera en fait l'occasion de parvenir à un accord. Il y a vraiment beaucoup d'espoir sur cette rencontre-là. Mm-hmm. Si un accord est conclu à ce moment-là, ce sera le successeur du protocole de Kyoto qui date quand même de 1997 et qui n'est que le seul et unique accord conclu au niveau international pour combattre les émissions de CO2. Tu as tout à fait raison. Il y a beaucoup, en fait, de rencontres internationales qui se sont organisées depuis. Il y a eu de nombreuses négociations. Plusieurs grandes lignes directrices ont été adoptées, mais en fait, aucun accord global et contraignant n'a été signé. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est véritablement d'arriver à ce que tous les pays, dont les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, s'engagent par un accord universel et contraignant sur le climat, et ce, donc, pour l'après 2020. On parle des pays développés, mais aussi des pays en développement. Autre date aussi importante où ce rapport va être utilisé, un sommet sur le climat qui est organisé par l'ONU en septembre, l'occasion de réaffirmer nos ambitions, disaient Obama et Hollande dans leur tribune commune. Alors, en attendant, au Japon, le président du GIEC depuis 2002, Rajendra Kumar Pachauri, a ouvert la réunion en disant, je cite, « Cette réunion est d'une énorme importance, ce rapport va élargir notre compréhension des questions liées à l'impact du changement climatique » et un associé aux travaux d'ajouter, je cite, en fait, on regarde comment combiner, adapter, transformer la société. Et c'est un effort qui peut vraiment nous aider à bâtir un monde mieux préparé au changement climatique, un monde meilleur tout court. Comme l'expliquait récemment à l'AFP Sylvie Joussomme, membre du GIEC, il est très important d'avoir cet accord sur le constat scientifique pour donner une chance à la négociation. Je rappelle au passage que le GIEC a reçu le prix Nobel de la paix en 2007 pour sa communication autour des enjeux climatiques. Ah bon, ça j'ignorais ça. Alors, tu disais au début qu'il y aurait un troisième et dernier volet à ce rapport. Oui, c'est ça. Le troisième et donc le dernier volume du nouveau rapport du GIEC sera, lui, consacré à l'atténuation du réchauffement climatique. Uh-huh. Alors, il sera publié en avril à Berlin. On pourra donc parler solution, ou plutôt atténuation. Uh-huh. Et peut-être que des projets un peu fous de géo-ingénierie seront abordés. Pourquoi pas injecter de l'eau de mer dans les nuages? introduire de la pollution dans la stratosphère, envoyer d'immenses miroirs dans l'espace, ou encore fertiliser les océans. En fait, tout un tas de pansements que John Aldrin, le conseiller scientifique d'Obama, envisageait en 2009 comme une voie à explorer en dernier recours, un plan B, si nous sommes suffisamment désespérés, disait-il. Eh bien, merci beaucoup Bérangère pour cette chronique. Nous allons faire une petite pause musicale sur CKRL 89.1 et au retour, on met le cap au nord, voir comment la végétation de l'Arctique change sous l'effet des changements climatiques. À tout de suite.